belle amie est bien gentille avec les pauvres animaux, ceux dont on se moque parce qu'ils sont muets ou courent sur pattes à de l'eau. Dans son jardin, toute l'année entière, les oiseaux viennent y manger. Ce sont des mésanges bleues et charbonnières, pinsons, merleux et roitelets. Sans compter les chats, une poule et un pivert, et aussi le vieux chien pelé. De ces bêtes-là, celle que je préfère la tient dans sa robe cachée. Elle n'a pas de pattes, elle n'a pas de tête, et tient tout juste dans la main. Entre la marmotte, le furet et la belette, Mucella du soir au matin. Son cœur est le même que celui de mon ami, qui palpite au grand jour. Son cœur est le même que celui de mon amour, qui palpite dans la nuit. Sa toison brune, comme des cheveux frisés ondulent sous les doigts. La peau est cuivrée et frissonne comme le feu quand mon ami est en émoi. La peau est cuivrée et frissonne comme le feu quand mon ami